Bonsoir, on est en direct de MTC Montréal et le cours ce soir sur la paracha de Vaïkel avec le Rav Maimon Pinto. Et pour les Lunishmat de Yerozali Bat Urida et de la Refua Shelema de Yael Bat Rosali et de Nissim Ben Aviva. Et on est le 18 février 2014 et le 18 aussi Adar 1, premier Adar, 5774. Alors bon cours et bonne soirée. Et maintenant, la prochaine fois, j'ai pas de viande. Oui, il faut, la vérité, on va le faire parce que. Il faut aussi quand même le marquer aussi dans le. Dans le email. C'est marqué dans le email ? Non. Il doit le marquer. Il y en a. Et il faut leur dire s'il vous plaît, ne mangez pas de viande ce soir. Ok, on va commencer avec le chiro comme ça. La dernière fois qu'on était ensemble, on a discuté, une des choses qu'on avait discuté, c'était l'ordre chronologique du temps que Moshe Rabbeinu il est monté à la montagne, etc. Maintenant, on va parler de ça un petit peu aussi, parce qu'il faut parler aussi du Mishkan. Le Mishkan, c'est le petit Beth Amikdash que les Bnei Israël ils avaient quand ils étaient au désert. Vous voyez ? C'était un Beth Mikdash to go. Il le pliait, c'était assez grand quand même. On amenait les corbanotes pendant 40 ans, le Bnei Israël. D'ailleurs, ce Mishkan, quand on regarde dans le Rambam, dans le Halakhot de Beth Amikdash, etc., le Rambam, ce Mishkan, combien de temps ça a pris au Bnei Israël de construire le Beth Amikdash du moment qu'ils sont entrés en Eretz Israël? Est-ce que quelqu'un le sait? Bnei Israël, ils sont entrés en année 2488. Dans notre calendrier, c'est sûr, oui. L'année 2000, Matan Torah, c'était l'année 2448. 40 ans, ils étaient dans le désert. Ça fait 2488. Ouais. Ils sont entrés en Eretz Israël pour diviser et conquérir, conquérir tout le Eretz Israël. Ça a pris 14 ans. On est rendu à combien? 2502. Ça, 14 ans plus 88, 2502. Je suis bien? Ok. Ça, ce Mishkan, il se trouvait où tout ce temps-là? D'ailleurs, ce Mishkan, il a duré pendant. C'est ça. Alors comme, avant qu'il est arrivé à Shiloh, il bougeait beaucoup, il était transportable. Mais à Shiloh, il était pendant 360 ans presque. Avec les Philistins. Parce que jusqu'au temps que Yeshua, jusqu'à Shlomo HaMelech qui a construit le premier temple, le Beth Amikdash, c'est plus de 400 ans. Hein. Ils ne sont pas rentrés en Israël, ils ont construit le Beth Amikdash. Il y a toute la génération de Yeshua. En Yeshua, après 14 ans, il est décédé. Après ça, il y a toute la période des Shoftim, des juges. Les Shoftim, ça a duré plus que 250 ans environ. Après ça, il y a le temps, après les juges, il y a Shmuel, Samuel, le prophète. Après ça, le temps de Shaul HaMelech, David HaMelech, jusqu'à Shlomo HaMelech. Le roi Salomon, c'est plus que 400 ans. Ce Mishkan, la plupart du temps, se trouvait à Shiloh. Il y a un moment, il se trouvait à Givon, et il était transporté pendant ces 400 ans. Maintenant, quand est-ce que Hachem il a commandé dans la paracha de Trouma, Hachem commande à Moshe de construire le Mishkan. Quand est-ce que Moshe il commande au Bnei Israël de construire le Mishkan? Beaucoup plus tard. Moshe il monte, il y a les 10 commandements, Matan Torah. Moshe monte la première fois, reçoit des tablettes, 40 jours, reçoit les tablettes, il redescend. Il jette les tablettes sont cassées. Il remonte une deuxième fois pour prier, qui est la paracha de la semaine passée, Kitissa. Il prie à Hachem de pardonner, c'est la deuxième fois qu'il monte. Il prie à Hachem de pardonner au peuple juif. Hachem le pardonne. Entre-temps, Moshe, il redescend, il s'occupe de toutes les choses. Et Hachem lui demande pour la troisième fois de remonter et de réécrire les deuxièmes tablettes, et il redescend. Entre-temps, Moshe Rabbeinu, après le Chet HaEgel, Moshe Rabbeinu, il commande au peuple juif de construire le Mishkan, de construire le temple. Pourquoi? Alors on le voit dans la paracha de cette semaine. La première fois. Est-ce que la deuxième fois que Moshe Rabbeinu il monte pour se faire pardonner, il reste encore 40 jours? Oui. Non. La deuxième fois, il ne reste pas 40 jours. La troisième fois, il reste 40 jours. Alors, la deuxième fois qu'il pour les tablettes. Oui. Mais oui. La deuxième fois qu'il remonte pour prier, pour que le Hachem, il est Merachem, qu'il ait pitié sur le peuple juif et qu'il n'extermine pas le peuple juif pour le péché du veau d'or, il ne reste pas là-bas pendant 40 jours. Combien de temps il reste? Je ne sais pas dans le texte si c'est rapporté combien exactement il avait prié pour Hachem, si c'est le temps que de prier pour Hachem. Il y a des différentes opinions dans la Gemara, ils disent que c'est le temps de dire le Shmona Esre. Il y a des opinions qui disent que c'est le temps qu'il avait pour supplier Hachem. C'était Ke'erif Aïn, c'était quelques minutes. Moshe Rabbeinu, il prie en quelques minutes, Hachem l'écoute tout de suite. Il y a différentes opinions, mais il n'y a pas une seule opinion combien de jours exactement. Ok, maintenant, entre-temps, Moshe Rabbeinu, il commande. Quand Moshe Rabbeinu, il commande, quand Akadosh Baruch Hu, il commande le peuple juif de construire le Mishkan, il commande à tout le monde, même Erev Rav. Ça, c'est très intéressant. Moshe Rabbeinu, quand Hachem, il demande, il donne la... Ah, Mazal Tov. Il est devenu un grand-père, on va dire à Mazal Tov. Il est devenu grand-père, hier soir. Oui. Ah, qui Mazal Tov. Mazal Tov. C'est qui? Mazal Tov. On attend pour la jaunisse. Ah, les garçons. Mais lui, c'est la première fois qu'il devient grand-père. Oui, bon, Hachem. Ken Yurbu. Lechaim. Beaucoup de smachot. C'est quelle fille? Laquelle de votre fille? Gaël. Gaël. Gaël. Alors quand Hachem il commande au peuple juif de construire le Mishkan, c'était même au Erev Rav, parce qu'ils n'ont pas encore fauté. C'est qui avait causé le peuple juif de faire le Chet HaEgel? Disent les Mefarshim, ils disent c'était Erev Rav. Après le Chet HaEgel, on voit dans la paracha, l'Echaim, on voit dans la paracha, Vayakel, oui, Moshe Rabbeinu, il rassemble tout le peuple juif, et kol adat bene Israël. Là, c'est, quand c'est dans paracha Trouma, c'est écrit kol ish. Chaque personne devrait donner une portion au Mishkan, quelque chose pour construire le Mishkan. Ici, non. Adat Bene Israël, excluant les Erev Rav. Alors, après le Chet HaEgel, Moshe, déjà, il exclut toute la congrégation de Erev Rav, puisqu'ils ont fauté dans le Chet HaEgel, ils ont causé le peuple juif. Alors, il ne les inclut pas dans la construction du Mishkan. Ça, c'est une chose à part, je voulais parler. Est-ce que les femmes aussi, elles ont participé, parce que c'est un Kol Ish. Les femmes, ils ont fait plus que les hommes. Plus que les hommes, ils ont travaillé, etc. Ils ont donné leur or. Beaucoup de fois, on trouve que la Torah, elle dit Ish, et ça ne vient pas nécessairement exclure une femme. On voit des psukim où il dit Ish ve Isha, et au début de la parasha, il dit Kol Ish. Kol Ish, la Torah l'a parlé généralement quand ça vient à contribution du Mishkan. Elle ne voulait pas exclure Ish, un homme et pas une femme. Ok, tout de suite dans la paracha, on parle de quel commandement? On parle de Shabbat. Vous voyez, on voit quand on commence la Shabbat, 6 jours tu travailleras, et le 7e jour tu te reposeras, Shabbat, Shabbaton, etc. Et tout de suite après, on voit, après le commandement de Shabbat, qui n'est pas la première fois d'ailleurs, oui, on l'a vu dans les 10 commandements, etc. On nous donne les mêmes commandements de construire un Mishkan, qui a été déjà parlé dans Parashat Trouma. Alors Ramim, il demande, qu'est-ce que ça fait ici? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que ça veut nous enseigner qu'il y a le commandement de Shabbat et tout de suite le Mishkan? C'est quoi le rapport du Shabbat et du Mishkan? Quel est le rapport? La Torah nous dit, nous ordonne, garder le Shabbat, préserver le Shabbat, qu'il soit saint, la sainteté du Shabbat. Tout de suite, on nous parle de construire le Mishkan. Quel rapport? Alors la Gemara dit comme ça, les Chachamim disent comme ça. Le rapport entre le Mishkan c'est que la Torah nous a dit qu'on ne peut pas faire certains travaux. Travail pendant le Shabbat, on ne peut pas travailler. Mais qu'est-ce qui est, par définition, un travail? Est-ce que bouger un article d'un côté à un autre dans la maison, c'est considéré du travail? Comment est-ce qu'on décrit c'est quoi un travail? Selon les mélachot du Mishkan. Dans le Mishkan, on a certains mélachot qu'on pouvait faire même pendant le Shabbat. D'ailleurs, on a amené un korban, Shabbat. On allumait le feu dans le Beit Hamikdash. Un Shabbat. 7 jours sur 7. Il n'y avait pas de Shvita. Les Lévites jouaient la musique. Tout ce qu'ils devaient faire pour le Mishkan, pour le Beit Hamikdash, pour le temple, on le faisait pendant le Shabbat. Il n'y avait pas de Shvita. On ne cessait pas de travailler. Les korbanot de Shabbat, il y avait un korban spécial pour Shabbat. Il y avait une chanson. Quand on dit, vous savez, quand après la prière, quand on fait Shachrit, qu'est-ce qu'on dit? Ayom, Yom, Shabbat. Ayom, Shabbat, Shebo, Levi'im. Que Levi'im, ils chantaient ce chant, etc. Il y avait un chant spécial. Il y avait un korban spécial. Il y avait un korban moussaf. Qu'il n'y avait pas pendant toutes les jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, il y avait un le matin, un le soir. Tandis que Shabbat, il y avait un le matin. Il y a un moussaf, il y a un mincha, etc. Alors, il n'y avait pas de Shvita. Alors, s'il y avait, on va dire, qu'il y avait une pierre qui a brisé pendant Shabbat, on peut la ranger pendant Shabbat dans le Beit HaMikdash. Toutes les choses qu'on a besoin pour le Beit HaMikdash, on peut le faire pendant Shabbat. Deux, tous les melachot, tous les travaux qu'il faisait dans le Mishkan, on apprend c'est quoi. Quelle est la définition d'un travail? Alors, par exemple, quand ils ont construit le Mishkan, ils ont utilisé certains tissus. Oui, le tissu, il était blanc, ils devaient le peindre. Le teindre. Pour le teindre, ils devaient utiliser certaines choses, des sémémanim, certains... de le brûler, ça c'est déjà une mélacha. On n'a pas le droit de teindre Shabbat. Pourquoi? Parce que dans le Mishkan, il le faisait. On n'a pas le droit d'allumer le feu parce que dans le Mishkan, il le faisait. Tous les travaux qu'ils faisaient, eux, ils avaient le droit de faire Shabbat dans le Mishkan, nous, on n'a pas le droit de le faire en dehors du Mishkan. Ça, c'est dans ce qu'on apprend, et la Gemara, elle arrive à un chiffre, 30 v'tesha melachot. 39 travaux, 40 traserachat, qui est 39. 39 qu'en vérité, ils deviennent beaucoup plus nombreux parce que n'importe. Il y a des choses que même qui sont similaires à un travail comme ça, que même c'est pas rapporté dans le Mishkan lui-même, mais qui est semblable, on n'a pas le droit de faire non plus. C'est pour ça on trouve qu'il y a. Maintenant, je voulais parler d'un sujet de. Oui, allez-y. Dans le Mishkan, par exemple. Vous allez le matin pour faire la prière, non? Les frères, non? Bien sûr. Mais la prière, elle était. C'était pas la prière comme nous on connaît qui est la prière. Ah. C'est-à-dire. C'était la prière de sacrifier un animal, quelque chose comme ça. Voilà. Jusqu'à un certain temps, jusqu'à la construction du deuxième temple, il n'y avait pas des brachot comme on fait les brachot, non? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, c'est Anshe Knesset Agdola, qui est Ezra Asofer, après Galout Bavel, l'exil de Bavel, qui est après toute l'histoire de Purim. Oui, après Esther, elle était avec Achashverosh, oui. Mordechai Yehudi, c'était parmi les derniers des. C'est ça, Anshe Knesset Agdola. Voilà, Mordechai Yehudi. Alors, Esther, elle s'est mariée, elle était avec Achashverosh, ils ont eu un fils. Ce fils, il a eu un fils qui s'appelait Dariavesh. En français, je ne sais pas exactement. Darius. Ce Darius, il a permis au peuple juif de remonter en Eretz Israël et de reconstruire le deuxième temple. Maintenant, pas tous les juifs se trouvaient en Iran, en Perse. Il y avait des juifs qui se trouvaient beaucoup à Babel aussi. Qui était le plus grand, le grand rabbin qui était dans son lab, c'était Ezra Asofer. Ezra Asofer, c'était le Gadol Ador, c'était le grand rabbin. Et lui, il est remonté de Bavel avec presque tout le peuple juif. et ils ont commencé à reconstruire, tandis que Néhémia, qui était aussi un géant lui-même, mais ce n'était pas nécessairement un prophète, c'était la personne qui avait les relations avec le roi de Perse, etc. C'était une personne, il y a un livre de Néhémia, le diplomate, mais c'était évidemment un grand Tamir Chacham, un grand tzadik, etc. Mais c'est lui qui s'occupait de toutes les relations. Oui. Pour être un peu à l'écart, qui c'est qui a défini que allumer la lumière, c'est un travail? Alors, je vais parler de ça. Quand l'électricité a été inventée, ça veut dire la lumière comme on la connaît aujourd'hui, alors il y avait beaucoup de rabbanim qui disaient et qui permettaient, parce qu'on ne savait pas encore, ils ne savaient pas beaucoup comment est-ce que exactement ça marche, l'électricité. Est-ce que c'est un fil? Est-ce que c'est une énergie? C'est quoi exactement? Mais la façon qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est une étincelle de feu à chaque fois qu'on allume. C'est des fils, mais il y a une étincelle qui s'est en train... Qu'est-ce que ça veut dire que cette étincelle pour allumer une cigarette? Oui. C'est interdit Shabbat puisque c'est pas un travail. Non, mais la Torah nous a dit que allumer un feu, c'est du travail. C'est du travail. C'est un travail. Je veux parler de ça aussi, d'ailleurs. Je voulais. Il y a deux choses. Il y a l'étincelle, ouais. Et puis il y a construire le circuit. Qu'on ferme le circuit, exactement. Non, mais revenons à votre question. Je reviens à sa question exactement parce que c'est vraiment le deuxième rachi de cette paracha. Le rachi, il dit L'otevaruesh. Les premiers versets dans la paracha, il dit ne allumez pas de feu. L'otevaruesh bechol meshavotechem. Dans toute votre résidence, vous n'allumerez pas de feu. Alors, la Gemara, elle demande, c'est un peu compliqué, je vais essayer de l'expliquer de mon meilleur dans le peu de temps qu'on a, mais la Gemara, elle demande, pourquoi est-ce que ce dîne de l'Otevaruesh, n'allumez pas de feu, a été interdit séparément de tous les Melachot? Tous les autres travaux, la Torah nous a dit déjà, ne faites pas ça, etc. Alors, on le sait déjà. Pourquoi on a besoin, maintenant, une autre interdiction spécifiquement pour ne pas allumer du feu? Alors, il y a une différence d'opinion. Il y a une... Ils qui disent... La vir esh, le lave yatsa. Elle est venue nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce qu'elle est venue nous enseigner? Chaque melacha qu'une personne fait pendant Shabbat... Il est puni d'une certaine manière. D'accord. Cette punition, selon certaines opinions, ne s'applique pas pour du feu. Pourquoi? Pour cette raison, du fait que la Torah a séparé cette interdiction, séparée de toutes les autres interdictions, c'est venu nous enseigner quelque chose plus spécifique. Qu'est-ce que c'est venu nous enseigner? Qu'il est différent de tous les autres travaux. Pourquoi il est différent de tous les autres travaux? Parce que c'est comme ce que M. Azoulay dit, c'est pas vraiment du travail, c'est pas une grande mélacha, c'est pas comme teinturer du tissu, c'est une grande mélacha, ou faire des autres travaux, ça c'est considéré une grande travail. C'est très compliqué, c'est ça, exactement. Non, même dans le temps qu'il devait allumer du feu, c'était pas un très très grand travail, peut-être comme de tous les autres travaux. Ça c'est une opinion. L'autre opinion, il dit non, le chalek est ça. Cette opinion est venue m'enseigner pour tous les autres travaux. Que comme tous les autres travaux, ils ont une certaine conséquence quand on l'a fait, et cette melacha aussi, même qu'elle n'est pas aussi dure que tous les autres melacha, elle a les mêmes conséquences concernant la punition. Alors là, c'est la Torah elle-même qui nous dit que c'est ne pas allumer du feu. Maintenant, l'électricité, c'est une autre question. C'est une autre question qui est plus récente. Mais la Torah elle-même nous a dit qu'on ne peut pas allumer du feu. Et la même chose pour la voiture. Hein? La voiture encore. Encore une voiture, c'est une autre question. Ça, bien sûr. Mais je vais essayer de... De concentrer sur un sujet du Hilchot Shabbat et on va essayer de parler un peu de Nianet Chassidut, aussi un peu du Mishkan. Il y a des questions qui se demandent toujours concernant demander à un non-juif de faire une melacha pour nous. C'est un sujet très, très, très grand. Maintenant, cette interdiction n'est pas rapportée dans la Torah. Ce n'est pas écrit dans la Torah qu'un non-juif n'a pas le droit de faire des travaux pour vous. Les sages ont compris que on ne peut pas demander à un non-juif de faire du travail pour nous. Pourquoi ? Laxité de Shabbat. C'est ça se dit ? Laxité de Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'une personne va voir que le goy peut faire une melacha pour lui, alors ça va être très... La Kdusha de Shabbat ne va pas garder cette Kdusha, ça va être très facile pour lui, et de peur que lui-même il va faire des melachot. Parce que si le goy fait tout pour vous pendant Shabbat, imaginez, le goy il vous allume le feu, il vous allume le dos, on ne ressent pas vraiment le Shabbat. Hein. Et même je pense. Oui. Quand l'esclave aussi, il avait le droit de Shabbat. Hein? Il avait dit vrai, c'est un juif. Non, il avait dit Kenani. Oui. Il y a certaines choses que un goy, c'est pour ça que je veux dire, un non-juif, il a le droit de faire certaines choses pour vous. On va en parler maintenant. Alors, ça, c'est la première raison pourquoi les sages, les chachamim, ils ont interdit de demander à un non-juif à cause de laxité de Shabbat. Les gens vont venir à croire que on peut demander à un non-juif et ils vont venir être beaucoup plus mekel. Et on ne va pas ressentir la kdusha de Shabbat. Ça, c'est la première chose. Une autre opinion qui dit que quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose pour nous, il y a quelque chose qui est appelé shaliach. Un chaliach, un agent, oui, un messager, hein, un envoyé, etc. Quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose pour nous, c'est comme si nous-mêmes on le fait. Chaliach Adam Kemoto, la Gemara, elle dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il y a un monsieur qui veut marier, non, il y a un monsieur qui veut marier sa fille, oui. Et il envoie un messager ou un homme, il veut se marier, il veut se marier, il demande à son messager, son chaliach, de lui trouver une femme. Il habite à Rabat et il veut se marier avec une fille de Marrakech. Il envoie un messager de trouver une bonne fille de bonne famille comme ça. Marrakech, c'est lui. Hein? Ah, ok. Non. Il va falloir beaucoup de patience. Alors, il veut trouver une bonne fille de bonne famille, etc. Hein? Parce que vous savez quoi? Parce que sa mère, elle est de Marrakech et il aime beaucoup sa mère et il veut une fille exactement comme sa mère. Et sa mère, elle veut pas une fille, mais pas de Marrakech. En tout cas, toute l'histoire. Alors, comment est-ce que ce messager, il peut demander comme femme? Ça veut dire que du moment qu'il lui donne, selon la Torah, pour qu'une femme devienne votre femme, on lui donne une bague, on lui donne une pièce d'argent. Il y a trois façons d'acquérir. Ok. Le messager. Du moment qu'il lui donne cette pièce, c'est comme si vous-même, vous étiez là-bas, il lui a donné. Pourquoi ? Shaliach Adam Komoto. L'agent, c'est comme une extension de votre bras. Alors, quand on demande à un goy de faire une melacha, c'est comme si nous-mêmes, on le fait. Parce qu'un agent, il est considéré comme nous-mêmes. Mais si tu lui donnes avant Shabbat, si tu lui donnes l'ordre de le faire avant Shabbat. Hein ? Si tu lui donnes l'ordre de le faire avant Shabbat. Okay. Très bien. Alors, il y a certaines choses qu'on a le droit de lui dire. Maintenant, je vous donne pas aussi juste des halakhot comme ça, parce que en vous donnant juste des halakhot, ça va être beaucoup plus dur pour vous de rappeler, parce qu'il y a des tonnes d'exemples, il y a des tonnes de questions. Si vous apprenez la chose à la base, le raisonnement, alors vous pouvez l'appliquer dans différents cas. Ça, c'est les deux raisonnements pourquoi on n'a pas le droit. Troisièmement, les Névi'im, les prophètes nous ont enseigné qu'on n'a pas le droit de parler des choses pendant le Shabbat, des choses régulières, du business, etc. Vedaver, davar, oui, on n'a pas le droit de parler des choses de chol pendant le Shabbat. Il faut fermer les petits signes. C'est ça. Il faut fermer toutes les signes. Il n'y aura plus une On ne devrait pas parler. Alors, maintenant, on va prendre toutes ces choses générales, on va les appliquer. Maintenant, est-ce qu'un goy ne peut pas allumer la lumière ici? Ben, chez vous à la maison, pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous bénéficiez pour la, selon ce qu'on vient de dire. Plusieurs fois, on a eu des pannes, par exemple. Une seconde. Alors, des pannes, c'est une autre chose. Seconde. Ça dépend de la situation. Normalement, si vous êtes dans une chambre et tous les lumières sont éteintes, le gars ne peut pas rentrer juste allumer la lumière. Ce que vous pouvez lui dire, c'est vous l'inviter à la maison pour un verre de café ou, je ne sais pas, boire quelque chose. Et quand il rentre, il réalise qu'il n'y a pas de lumière et il va allumer la lumière. Mais il allume pour lui. Mais c'est pas un peu hypocrite. Hein? C'est pas un peu hypocrite. Mais est-ce qu'il va vraiment l'allumer? Seconde. Un peu, mais c'est comme. C'est pas que c'est hypocrite. Il y a une face. La Torah, là, regardez. C'est vrai, non? Tout ce qui est droit. Quoi? C'est vrai. Pourquoi? C'est hypocrite? Oui. Pourquoi? Mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi non? J'aimerais bien comprendre. Les hakamim, ils essaient de trouver un moyen. Je l'invite à prendre un café derrière ma tête, derrière mon esprit. C'est pour qu'il allume. On va expliquer. Peut-être je ne me suis pas bien expliqué. Le non-juif, il rentre chez vous à la maison. Vous n'avez pas de lumière, votre voisin. Ok, vous pouvez pas l'inviter chez vous et lui même de façon indirecte de lui dire d'allumer la lumière. Vous pouvez pas. Ouais. Mais est-ce que le gars il a le droit de faire quelque chose pour lui-même? Oui. On va dire que vous avez un serviteur à la une personne qui travaille, une femme de ménage qui travaille à la maison. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour elle-même? Oui, bien sûr. 100%. Elle est dans le salon, il n'y a pas de lumière, elle rentre, elle veut lire un livre. C'est pas un problème. Est-ce qu'elle peut le faire pour elle-même? Oui, très bien. Alors, quand vous voulez que votre voisin il vient vous allume la lumière, vous l'invitez, comme j'ai dit, vous l'invitez pour un verre de café. Et quand il va réaliser qu'il n'y a pas de lumière, il va l'allumer tout seul. Mais il allume pour lui-même. Ouais. Il allume pour qu'il prenne son café. Pas pour vous. Hein? C'est pas sûr qu'il l'allume. Ouais. Chez lui. Oh. 100%. Je prends le café et je l'amène dans la chambre où il n'y a pas de lumière. Non. Vous lui dites. Vous lui dites. J'aimerais que vous venez chez moi pour un verre, etc. Et il allume tant qu'il le fait pour lui-même, même qu'il sait que. Hein? En deux mots, ça veut dire que s'il allume pas, tu n'as pas le droit de lui dire, il doit repartir avec son café dans le nord. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous êtes ici, il y a ici, c'est des lumières de dim. Okay. Si vous êtes vous avez des invités, etc., et ils ont mis la lumière, mais elle n'est pas assez forte. Mais vous pouvez manger comme ça, c'est possible de manger. Le non-juif, il a le droit de d'augmenter. Pourquoi? Parce que l'interdiction de bénéficier d'une mélacha d'un goy, c'est quand il y a un vrai bénéfice, là, quelque chose qui est vraiment bénéfique, vous êtes en train de bénéficier. Mais si de toute façon, la lumière, elle est ici, mais sauf qu'elle n'est pas assez forte, alors le bénéfice ici, il n'est pas important. À cette mesure, il a le droit d'augmenter la lumière. Encore, c'est une autre condition. Quand vous n'avez pas un bénéfice qui est important, le goy, il a le droit de performer cette mélange. Parce qu'on disait au goy, comprenez la. À l'avance. À la bonne, on lui disait, de telle heure à telle heure, on faisait, et d'autres, vous disiez, tu sais. Fais noir. Et puis, je vois rien du tout dans le livre. Je vois rien du tout. Ouais. Comment? Alors. Comprenez. Mais exactement. Mais est-ce que si elle le fait juste pour vous, c'est un problème? Si elle le fait et elle va s'asseoir aussi dans la chambre, comprenez la différence. La Torah n'est pas venue. C'est pour ça que je vais vous. Revenons à votre chose. Moi, je ne trouve pas que c'est hypocrite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Torah et les Chachamim ne sont pas venus juste pour nous interdire. De la façon, ils nous ont interdit certaines choses. Mais ils nous ont permis aussi de façon comment que la vie ne devient pas insupportable. Alors même qu'il y a des interdictions, mais il y a des façons que de tourner autour de cette interdiction. Vous comprenez? C'est pas des halakhot shachor à la vanne. Quelqu'un m'a demandé une question pendant le Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de dire à un non-juge? Les lois ne sont pas noires sur blanc. Il y a certains halakhot qui sont shachor à la vanne, c'est noir sur blanc. Est-ce qu'il faut mettre des tefillim le matin? Oui. Est-ce qu'il faut faire kriyat shma le matin? Oui. Est-ce qu'il faut prier shachrit? Oui. Ça, c'est des noirs sur blanc. Il y a des certaines choses que la Torah nous a interdit ou nous a permis, mais nous a aussi donné de façon comment on peut trouver comment mieux contourner la halakha, si on veut dire contourner. C'est peut-être pas le bon mot. On n'est pas en train de dire. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une clause dans la règle. Et celui, on doit connaître bien la halakha. C'est ça. Parce que si on interdit tout, quoi. Exactement. La Torah n'est pas venue juste pour interdire. Normalement, le travail des rachamim, c'est de pouvoir trouver des manières de rendre la vie. Exactement, parce que quand la Torah. Selon la halakha, dans c'est ça. C'est dans ça. Le cas du bonne, mais dans le cas de la bonne, si elle est payée à l'année, non. Dans le cas de la bonne. Parce que comment les rachamim, ils donnent l'autorisation à quelqu'un qui a un magasin. Un gosse qui prend un place demandé, sur le tapis. On n'a pas parlé du magasin. Non, c'est la même chose. Voilà. Non, c'est grave. C'est comment faire ça quand on vend le hametz. Comment est-ce qu'on vend le hametz? Mais dans le cas de la bonne. Le hametz, c'est la même chose. S'il y a quelqu'un qui a un magasin dans un centre d'achat, et selon les règles du centre d'achat, on est obligé d'ouvrir un samedi, et le Baal du magasin, il va perdre de l'argent, et ils vont lui mettre dehors. Nous, c'est pas le magasin. Nous, c'est pas le magasin. Si, j'ai posé la même question. Si vous avez... Si vous croyez. En or. Hein, croix. Et j'ai demandé au rabbin, est-ce que je peux le mettre, si tu dois bien être ta parnasse avec ça, tu vends ce que tu veux. Des croix. C'est une question. Est-ce que c'est considéré un idole? C'est à la mode. Regarde, je vais vous donner. Viens, on va suivre. Regardez, viens, on va suivre. Je n'entends pas. Un candélabre, une menorah de 7 branches, on n'a pas le droit de vendre. Un goy, ça sera bon. Quoi? Qu'est-ce que vous dire? Un candélabre comme 7 oui. branches. De 7 branches. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à à cause du Beth Amikdash. Ouais. Mais non, mais il n'y a personne qui sait vraiment de quoi il va l'air. Le chose de Beth. 7 branches, c'est pas la réalité. Le celui-là du Beth Amikdash. C'est fini. Il non. Est pas. Hein? C'est pas le même. C'est des branches, on n'a pas le droit de vendre. C'est des lampadaires que tu mets au plafond qui ont cette branche. On a le droit de vendre des trucs comme bijoutier. On a tout. Tu travailles des goïnes. On travaille pas à 100%. Il n'y a aucun problème. Premièrement, la croix. Regardez, c'est encore. Premièrement, c'est encore comme ça. C'est qu'il les vend. C'est pas pour la seconde. Encore, premièrement, c'est comme ça. Est-ce que la Torah nous a interdit. La Torah nous a interdit de vendre certains articles d'idolâtrie. Et selon beaucoup d'opinions des Chachamim, les chrétiens, c'est pas de l'idolâtrie. Ah non? Non? Comment? Eux, ils disent qu'ils sont pas des idolâtres. Comment? Au contraire. Bon, il y avait. C'est exactement le contraire. Les trois religions monothéistes, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le christianisme, c'est bien. Quand tu demandes à un chrétien, un vrai chrétien, il va te dire jamais de la vie, on n'est pas des idolâtres. Hein? On voit la statue. Et écoutez, devant la statue, c'est un genre d'idolâtre. Pour eux, c'est pas. Pour eux, c'est lui Dieu. Ils sont pas en train de prier à une autre personne. Ils sont en train de prier à Dieu pour eux. Le Tosfot, ils disent que les chrétiens, ils sont pas des Ovdei Avodah Zara. Tu peux acheter une église. Les chrétiens. Tu peux acheter une église. Hein? Même tu peux acheter une église? Oui, tu peux acheter une église. Non. Est-ce qu'on peut acheter une église et la transformer à une synagogue? Oui, certainement. Faire du commerce. On peut acheter une église. On va partir à l'ouest. Faire du commerce. On peut acheter une église. Il y a juste récemment M. Cacan. Vous connaissez M. Cacan? Lequel? C'est ma question. Je peut-être Max. Max peut-être. Max. Marc. Il vient d'acheter une église et ils ont transformé une moitié de l'église à un Beit Chabad. Non, je veux dire, vous avez demandé la question. À Morristown, vous savez très bien que c'était une truc de sœurs. Comment ça s'appelle? Un couvent de sœurs. Morristown. Benoît à Paris, c'était un... Je sais, peut-être. Benoît à Paris, c'était un couvent. Alors pourquoi vous interdisez de rentrer dans une statue? Mais après que ça a été transformé? Non, maintenant. Une église catholique, pourquoi une église? Rentrer une église, il y a un problème de Marit Ein. Quelqu'un va vous voir rentrer dans des places comme ça. Peut-être il va. Non, peut-être il va penser que Chas v'Shalom, vous allez prier là-bas. Et alors pourquoi nous autorisent c'est bizarre. C'est aussi, juste comme ça, rentrer dans un. Dans un, dans un... Non, par exemple, il y a des autres. Il faut aller à l'église et machin. On dit non. Moi, je ne rentre pas parce qu'on m'a dit ne rentre pas. Parce qu'il y avait des dollars. Même mais ils nous autorisent la mosquée. Moi, je ne sais pas qui vous autorise. Même dans une mosquée. Mosquée, le Rambam, il rapporte que si une personne n'a pas de choix, il peut prier dans une mosque. Mais ce n'est pas que. A priori, il peut rentrer dans une mosque pour prier. Il parle de quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Pour un shiva ou pour aller pour un débat. Il y avait un débat à Shah Shamaï. Il y avait un imam. Il y avait un imam. Et il y avait aussi un prêtre, il y avait un rabbin. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un débat, tout ça et tout. Il était l'heure pour lui de le faire l'imam, et c'était l'heure de la prière. Il a pris un petit tapis. Il a mis comme ça, il a fait la synagogue, même il était en hauteur, même la dévente. Il a fait la prière. En revenant un petit peu, je ne sais pas comment on est arrivé à ces alakhot. Mais revenons un petit peu même à l'Elchot du Shabbat. Pour l'Elchot du Shabbat, qu'il a dit qu'il avait la bonne. Elle est payée à l'année, non? Donc est-ce qu'il y a un problème de lui? Elle est pas payée à l'année, elle est payée par mois, non? Même par mois. C'est-à-dire qu'elle avait le salaire pour les semaines. Mais elle est à l'année. Elle est éduquée d'une façon parce qu'elle a duré. Ça fait combien d'années qu'elle est dans le Maroc? Il vivait 10 ans, 15 ans, 20 ans avec la personne. Oui, mais. Il vivait à la maison, il dormait. Dans ce cas-là. Alors ils avaient. Déjà, elle sait que le Shabbat, il faut éteindre les lumières, il faut faire comme ça, il faut c'est tout ça. Elle avait tout. Éteindre les lumières, elle était déjà éduquée. Éteindre les lumières, c'est pas un problème. C'est beaucoup moins de problèmes. Encore, il faut comprendre la base de la halakha. Éteindre les lumières, si je suis dans une chambre et je peux pas dormir parce qu'on a allumé et la lumière, elle est, je dois dormir et la lumière elle est allumée. Le goy, il a le droit de l'éteindre pour moi. Pour moi, pas juste pour lui. Pourquoi? Parce que, encore, je ne bénéficie rien de la mélacha elle-même. Si le goy, il cuisine pour un juif, alors moi, je bénéficie du mets qu'il avait préparé. Eh bien, dans les traiteurs, comment ils font? Il y a les arabes, le Shabbat. Ici en bas. Quel problème? Ben oui, partout, dans toutes les synagogues. C'est quoi le problème? Ben, par exemple, ils cuisinent pour qui? Shabbat, ils cuisinent, ils sont en bas, mais ça va pas. Non, mais non. Dans les... Les traiteurs, oui, alors. Réchauffe. Tout. Dans les arabes, oui, mais réchauffe, c'est avant Shabbat. Oui, mais ils sont pas sous. Ils devraient réchauffer un sraf. À l'avance, ils ont prévu. C'est pour ça qu'ils font ce travail. Ils n'ont pas le droit. Un goy n'a pas le droit. Dans les traiteurs, le goy, il cuisine pas. Non, il allume, il chauffe. C'est allumé, c'est tout sur des timers, mais ça va pas ou quoi? Il allume rien dans le. C'est ce qui arrive dans les. C'est déjà prêt, la nourriture est prête. Ouais. Ça vient dans désolé, les. Mais moi, je sais traiteur, pas alors. Je sais pas quel traiteur tu étais. Moi, j'étais maintenant en Israël, Shabbat. Tout le staff qui travaille, c'est tous des Arabes. Ouais, c'est vrai. Mais je suis rentré, je voulais voir moi la cuisine, ouais. Parce que je ne connaissais pas l'hôtel. Et il m'a dit, c'est un très bon hercher. Oui, je lui ai dit, je veux une tournée de la cuisine. Il m'a dit, pas de problème. Il m'a rentré, il m'a montré tous les fours. Ils sont tous fermés avec des cadenas. Tu ne peux même pas arriver à un bouton. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Tout ce qui est sur chauffé, ils ont construit quelque chose de spécial, un bout de fer qui vient comme ça sur les poignets, avec un cadenas qui est aussi gros que ce téléphone. On ne peut rien bouger, tout est sur des timers. Les trucs qui s'allument pour et garder les choses qui sont chaudes, c'est sur des timers. Les réchauffements, c'est tout est fait avant. Tout ce que les goy ils font là-bas, c'est de te servir. Il vient ramasser, il vient des trucs comme ça. Est-ce que c'est considéré une mélacha? Mais il pose la nourriture dessus. Hein? Il pose la nourriture, il sort du frigo, il pose la nourriture sur le feu? Oui, bien sûr. Ah, ok, ça c'est pas. Oui, bien sûr. Okay. Mais il y a des choses qui sont. C'est pas qu'il sort pas du frigidaire, parce que tu peux pas le faire non plus, Shabbat. C'est des choses qui sont toujours bien assez mais chaudes, là, ça dépend des choses. Ouais. La dafina, par exemple. Ah, ça, ouais. Non, mais des choses qui restent toujours. Le vendredi soir. Hein? Le vendredi soir, on est parti, on a fait Shabbat, on est parti. Oui, oui, où ça? Mais dans le manger, l'après-midi. Oui. Il y a des affaires qui sont chaudes. Oui. Il ne les a pas laissées toute la nuit. On peut rechauffer tant qu'il n'y a pas. Non, il y a des choses que. Tant que c'est une chose qui n'a pas du liquide, on a le droit de réchauffer, Shabbat. Selon les Ashkenaz, c'est une autre chose, mais les Sfaradim, pas de problème. Par exemple, un schnitzel, vous avez du schnitzel dans le frigidaire, vous le sortez, vous le mettez sur le. En endroit. Oui. Tout ce qui n'a pas de liquide. Tout ce qui, comme une plata, comment ça s'appelle La plate. On a le droit de plate. Le pain, tout ce qui est sec. Et selon le Beit Yosef, si. La majorité c'est du sec, il y a un peu de sauce, on a le droit de chauffer aussi. Un peu de sauce. Tant que la majorité, on va dire que vous avez du poisson ou du poulet, qui a un peu de sauce, mais la majorité c'est du poulet qui est sec, on a le droit, selon les séfarades, de rechauffer. Tout rechauffer. Là, ils sont. Non. Kiki, pas le droit. Qui? Les Libanais, non, on n'a pas le droit. Kiki, tu as dit, les Thémanim. Les Thémanim, ils chauffent aussi de la soupe. Ils prennent la soupe, ils la mettent. Sur le feu. Ah oui? Parce qu'ils suivent le Rambam. Le Rambam, il dit, il n'y a pas de problème. Ah oui? Un bichoufer, bichou. Ah bon? C'est bichou, là. Non, il n'y a pas de bichou, la chère bichou. Hein? Mais voilà, non. Selon les Thémanim, il chauffe aussi la soupe. Certaines opinions, il y a différentes opinions. Ça veut dire on va tout devenir. C'est pour ça que vous étudiez. C'est la vérité, toutes ces discussions, je suis très content qu'on ait ces discussions parce que il faut vraiment comprendre bien la halakha, il faut arriver à la racine de la halakha. Quand la Torah nous a interdit de un autre exemple. L'exemple de cuire quelque chose qui est. De réchauffer quelque chose pendant Shabbat qui est pas sec. Qu'est-ce que ça change? Ou on va dire, pourquoi on n'a pas le droit de manger? Si un goy, est-ce qu'on a le droit de manger quelque chose qu'un goy a cuisiné pour nous? Si il a cuisiné pour nous, non. Non, pas pour Shabbat. Stam, c'est bichoulakoum. C'est de la nourriture qui a été cuisinée par un ange juif. On n'a pas le droit de manger. Mais s'il nous a cuit des tomates, est-ce qu'on a le droit de les manger? Quelle différence? Ça fait du gros ou pas? Non. Parce que les tomates, tu peux on a le droit. Les fruits, on a parce que les tomates, oui, on a le droit de le manger d'eux. Pourquoi? Je vais vous expliquer. L'interdiction, c'est un autre exemple. L'interdiction de ne pas manger de la nourriture qui a été cuisinée d'un non-juif, c'est quand il y a une importance dans le maasé, dans la chose qu'il avait fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Du poulet, est-ce que je peux le manger cru? Non, je ne peux pas le manger. Quand lui le cuisine, il a transformé. Il y a un chinouille. Il y a un grand chinouille, il y a une importance dans l'action qu'il a fait. Et puisqu'il y a cette importance, c'est comme s'il a transformé le poulet. Avant le poulet, il était immangeable, maintenant il est mangeable. Et cette importance, je n'ai pas le droit de bénéficier de cette importance de lui. Tandis qu'une tomate, je peux la manger crue ou je peux la manger. On l'a mangé et cuit, oui. Alors, il n'y a aucune importance dans l'action qu'il a fait, puisque moi, je pouvais la manger même avant. C'est pour ça ne pas manger de la cuisine, quelque chose qui a été... Vous comprenez l'idée ? Ne pas manger quelque chose qui est... Je n'ai pas le droit de bénéficier de l'action du goy pour que je ne me rapproche pas à lui, pour que je ne m'assoie pas et je ne mange pas avec lui, que je ne lui donne pas ma fille qui se marie avec elle, que son fils se marie avec elle, etc. Alors, il faut avoir une importance. Alors, chaque chose que... D'avoir chez Nehal, une chose qui est mangée. Les concombres, ça peut manger cru ? Ben, si, oui. Il me le fait... C'est pas un problème. Est-ce que j'ai le droit de prendre un café d'un goy? Oui. Tant que c'est du café, il n'y a pas. Est-ce que je peux le manger? Est-ce que je peux le prendre dans son verre à lui? Non, mais s'il me le fait. Est-ce que je peux entrer à un dépanneur et acheter un café? Oui. Oui. Oui. Oui. C'est pas le problème. Le café, il n'a pas besoin d'être cachère. C'est du café. Tant que c'est juste du café. Si c'est des ingrédients de au vanille, au truc, bon, ça c'est déjà pas juste du café pur. Oui, c'est parce que les trucs de café, quand vous rentrez à 5 1/4, et il n'utilise pas pour cuisiner un hot dog, après il ne met pas. C'est pour du café, les amis. Alors chauffer de l'eau qui est chauffée par un non-juif, c'est pas un problème. Parce qu'il n'y a pas une importance. Dans... Alors, vous comprenez si on a un invité non-juif à Shabbat, oui. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un goy Shabbat à table? C'est quoi le problème? Pas de problème. Mais pas de problème. Regardez, les rabbins qui interdisent. Premièrement, il faut savoir pour quelle raison. Je ne sais pas quelle raison les rabbins interdisent. Est-ce que vous me demandez une question morale, philosophique, halakha? C'est quoi? Technique. Il faut faire très attention. Monsieur Azoulay, je réponds à votre question. Il faut premièrement, si vous avez un non-juif chez vous à la maison, Shabbat, premièrement, il faut faire très attention avec le vin. Que le vin, c'est mevouchav. Non, on n'invite pas, mais. Non, je ne veux pas dire vous. Je veux pas dire vous, mais je veux dire. Dans son rabbin, si. Ok. Je ne sais pas quelle raison, mais techniquement, il n'y a pas un problème tant que c'est chez vous à la maison. Oui, chez vous à la maison. Alors, si vous avez un goy, chez vous à la maison, il faut faire très attention que vous ne sortez pas du vin qui n'est pas un mevouchal. Non, on fait le guéfen avant. On le sort dans le vin de avant qu'ils arrivent. On fait le guéfen après qu'ils viennent sans le guéfen. Non. Oui, c'est ça qu'on fait. C'est... Non, mais... Oui, il ne doit pas être devant la table pour faire le kidouche. Pourquoi pas? C'est quoi le problème? Non, je veux juste savoir, moi je veux comprendre. Du fait que. Du fait. Ok. Du fait comme ça. C'est pour ça que je vous demande. Il y a plusieurs choses qui se passent ici. Il y a le côté technique. Côté technique, je n'ai pas vu un livre qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir. On n'a pas le droit d'aller chez le non-juif. Chez lui à la maison et de manger avec lui, parce qu'on ne veut pas devenir trop amis avec lui, qu'on ne se mélange pas avec eux, on leur donne notre fille à se marier avec nos enfants. Ok. Mais s'il est chez vous à la maison, malheureusement, il y a beaucoup de familles qui ont une tante qui est mariée avec un ange. Très bien. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé de l'inviter? Non, on n'est pas obligé de l'inviter. Techniquement, il n'y a pas un problème. Mais non, moralement, philosophiquement, vous dites. La kedusha de Shabbat, je vais avoir un goy sur ta table. Non, je ne veux pas, certainement pas. Mais c'est encore déjà, c'est quelque chose que vous ressentez, mais ce n'est pas quelque chose qui est une halakha. Vous ressentez que vous ne voulez pas un non-juif chez vous à la maison pour ne pas affecter la kedusha de Shabbat. Mais c'est une autre chose, c'est vos émotions personnelles. Il y a un gars qui va dire, moi je ne vais jamais m'asseoir avec un non-juif à la table de Shabbat. Ça, c'est un Shabbat. Mais ça n'a rien à voir avec la halakha. Hein, le rabbin, et peut-être il vous avait dit, il a dit ça, c'est interdit parce que regardez, c'est pas la gdusha de Shabbat. Oui. Très bien, mais est-ce que c'est une halakha noir sur blanc? Il faut différencier sur ça. Mais si vous êtes au travail et le gars il sort son linge, vous sortez votre linge, vous n'allez pas lui dire écoutez, si quelqu'un se marie au dehors de sa religion, C'est fini, on le coupe. Non, mais je ne veux pas. On le coupe. Invité, invité à la maison. Invité, partout. Donc regardez, encore, encore, encore. Si, il faut faire très attention aussi. Alors encore, je répète, si vous avez un non-juif chez vous, je vais vous demander comme ça. Est-ce que vous avez le droit d'inviter? Je vais vous demander une plus grande question. Vous savez, maintenant, ce Shabbat, le Shabbat passé, il y avait un Brit Mila ici. Oui, vous savez qu'est-ce que Rabbin Banon, il a dit au Baal Abrit? Il a dit comme ça. S'il y aura des invités qui vont venir à la Brit en voiture, on repousse la Brit pour dimanche. Oh. Oui, ah. Oui, il a raison. Pourquoi? Il a dit, oui. Parce que vous voulez être la cause que les gens ils vont désécrer le Shabbat, oui. Qui viennent à la synagogue pour la Brit. C'est bon. Ah, alors c'est ça la force. Oui. Vous me demandez à un non-juif, est-ce que vous avez le droit d'inviter à quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat chez vous à la maison? C'est plus important que la Brit. Oui. Oui. Et Rabbin Banon lui a dit, je ne fais pas la Brit Shabbat s'il y a des gens. Il ne savait pas quoi faire. Il y avait au moins 5-6 personnes, bon, ça ne change rien, qui allaient venir en voiture. Moi, je les ai vus dans le stationnement. Mais le rabbin, maintenant, l'a obligé de, dans le email qu'il a envoyé, d'écrire que ceux-là qu'ils veulent dormir ici, veulent venir dans le coin et ils veulent dormir, on peut leur trouver un logement pour rester pour Shabbat. Ça veut dire que, est-ce que moi, je peux inviter quelqu'un pour Shabbat? Moi, je suis rabbin, oui. J'essaye de rapprocher des gens à la Torah. Il n'est pas chômeur Shabbat. Est-ce que je peux l'inviter chez moi Shabbat quand je sais qu'il va prendre la voiture? Non, c'est pas aussi comme ça. Ça veut dire, je peux lui dire, écoute, essaie de venir avant Shabbat, mais il faut que je lui offre de dormir chez moi. S'il refuse et il fait ce qu'il veut, je peux pas l'arrêter. Mais je lui donne une façon de... Reste chez moi, ne prends pas la voiture, reste chez moi jusqu'après Shabbat. S'il me dit non, je ne peux pas, bon, ça c'est déjà son choix. Mais moi, je ne peux pas, même si tu vas me dire, de toute façon, ce monsieur, il prend la voiture Shabbat et ça ne lui change rien. Qu'est-ce que ça va changer? Il va prendre la voiture Shabbat, ça soit qu'il vient chez moi ou qu'il ne vient pas chez moi. Ça ne change rien, je ne peux pas être la cause qu'il prenne la voiture. Ah, c'est la même idée. Alors, quand vous avez une personne qui est non-juif chez vous à la maison pendant Shabbat, premièrement, il faut faire très attention. Vous n'êtes pas obligé de lui demander de sortir de la chambre quand vous faites kiddush. Tant que votre vin, c'est un vin... La plupart des vins aujourd'hui, les gens, ils achètent, c'est Mevouchal. Ouais. Vous comprenez Mevouchal, oui, qui a été pasteurisé. Pasteurisé, c'est marqué dans la bouteille. C'est écrit Mevouchal ou pas Mevouchal. Ah ben, si vous savez que vous avez un non-juif qui va venir pour le Shabbat, achetez un vin qui est Mevouchal. Et vous aurez pas, il peut toucher le vin, il peut le prendre, il peut le jeter, il peut faire ce qu'il veut avec le vin. Oui. J'ai un ami infirme, grand infirme. Il y a de la personne, et je l'invite à plusieurs fois Shabbat, il est obligé de venir en voiture parce qu'il ne peut pas marcher. Encore, alors c'est ça qu'est-ce qu'on avait dit. La fin, la conclusion, c'est que vous lui offrez. Il ne veut pas, c'est son choix. Mais vous lui offrez. Et s'il refuse? Il refuse, c'est déjà pas, c'est pas votre responsabilité. S'il refuse, c'est son choix. Mais vous lui donnez toujours cette option. Restez chez moi. Vous pouvez lui demander aussi, essayez de venir quelques minutes avant Shabbat, ou je ne sais pas. Vous lui donnez le choix. Vous faites ce que vous devez faire, et lui, il va décider ce qu'il veut faire. Maintenant, une dernière question. Pendant la fête. Parce qu'ici, il n'habite pas. Hein. Ah oui. Il a peur de qu'il va. Oui, je comprends. Non, bien sûr. Non, si je n'habite pas, je ne fais pas la fête, je ne fais pas Shabbat. Ouais, je sais. C'est la plupart du cas des gens que tu sais. On veut les inviter parce qu'on sait qu'il va être tout seul, il ne va pas faire Shabbat. Sans Rosh Hashanah, ça va être comme un lundi, mercredi, jeudi, ou je ne sais pas, c'est une journée régulière. Maintenant, si vous trouvez par exemple. Moi, ça m'est arrivé ce Rosh Hashanah ou Sukkot que j'avais stationné la voiture et pendant... Il faut changer de côté, oui. Et ma soeur est venue chez moi et on a fait la fête ensemble et elle a stationné sur un côté qu'il fallait nous changer. Sinon, on reçoit un ticket. Ou je... Vous comprenez, il y a... En été, il faut changer de côté. Est-ce qu'on a le droit de demander à un goy de, vous de changer de côté de voiture pour... Non. C'est la même chose. Hein? Non. C'est une question très pratique. Non, c'est une autre question. Bien sûr, je sais. Non, on n'a pas le droit de demander. Non. Hein? Moi, une fois, c'est un DVD. Celui qui a un garage, etc. À 5 heures. Hein? Si on a le droit de demander un complément, parce que si tu n'as pas de ticket, tu peux le contester. Non. Tu peux le contester. C'est pas. Demander, tu peux pas. Tu peux pas. Mais ce qui est arrivé ce temps-là, le gars est venu chez moi. Et il m'a dit, ils sont en train de passer, je sais que c'est votre fête. Ah, il est venu, c'est lui qui est venu nous avertir. Ma soeur, elle n'habite pas dans le coin. Ouais. Elle habite à Côte-Saint-Luc, elle ne savait même pas, elle n'a pas regardé. Et vous voulez que je vous... Moi, c'est un DVD. Vendredi soir, ça peut arriver. Tu vas juste à la chose, tu vas juste les panneaux. Tu as le droit de téléphoner, tu dis j'ai mis la voiture et tu restes. C'est la fête, je suis obligé. Non, non, à côté des synagogues. À côté des synagogues, ils mettent des pancartes. Il n'y a pas de problème. À côté des synagogues, certains quartiers. Tu sais, chez moi, par exemple, j'ai des invités pour Rosh Hashanah. Je les appelle, je lui dis, j'ai telle voiture de voiture. Ah, ici. Oui, salut. Ok. Quand salut, oui, on peut les appeler. Oui, je les appelle, ils me disent, j'ai quelle voiture, je lui dis la voiture, numéro. La même chose qu'ici en Angleterre. Et voilà, c'est la même chose. On peut les appeler. La même chose. Non, mais vous appelez le poste de police à 5h. Et vous leur dites, pour le matin, pour le lendemain matin, à 7h. Intéressant. Autrement, les Québécois, ils détestent les chassidim pour ça. Ils ont toujours des problèmes. Parce qu'il y a un grand chassid là-bas, je ne sais pas s'il est belge ou je ne sais pas quoi, et il donne beaucoup de. Il contribue beaucoup à la police là-bas. Très très riche. Il donne des tzedakas à la police lui-même. Alors on le laisse tranquille, la police, faire beaucoup des yeux sur les stationnements et tout ça. Et les Québécois, ils sont tellement angoissés de ça. Ils ont toujours des histoires là-bas. Et le Québécois, il reçoit un ticket. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, je vais finir avec un dernier point. Excusez-moi, c'est déjà après 9h. Après 9h, juste un dernier mot, au moins, chose sur le Mishkan. Au temps de Mashiach, c'est rapporté que Atida Eretz Israël les pachet à la Olam Kulo. Que Eretz Israël va s'étendre sur le monde complètement. Ça veut dire que quoi? Tout le Eretz Israël, ça va être Yerushalayim. Vous me suivez? Aujourd'hui, tout le Eretz Israël, il a défendu d'agrandir Yerushalayim. Ça n'a rien à voir là maintenant. Qui c'est? Excusez-moi. D'Israël. Ok, excusez-moi. Une seconde. Ok. Regarde comme ça. Eretz Israël, Tel Aviv, etc. Devient Jérusalem. Tout le monde entier devient Eretz Israël. C'est ça que ce que le Midrash il rapporte. Hein? Ça va faire partir d'Eretz Israël. Maintenant, chaque maison, c'est écrit dans la Torah, va sous le Migdash de Shachanti Betocham. Oui. Vous construirez un temple. Et je résiderai parmi vous. Bon, on sait qu'il y a plusieurs. L'interprétation simple, c'est de construire un Beth Amikdash pour Hachem. L'interprétation dans notre façon spirituelle, c'est de faire résider dans notre temple, dans notre corps Hachem. Le Tzemar Tzedek, il a un grand chidouche. Il dit, même maintenant, on peut construire un temple. C'est quoi?